Et nous retrouvons Franck Ferrand aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour mon cher Franck. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Quel 18 avril avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 18 avril 1934, Pierre, le jour du lancement de l'une des plus célèbres Citroën, l'attraction avant. Un surnom en vérité qui insiste sur sa particularité, ce sont les roues avant qui sont motrices contrairement à la plupart des voitures. Mais le nom officiel à l'époque c'est la 7, comme 7 chevaux qui est la puissance fiscale du véhicule. N'empêche que cette voiture est une petite révolution. Et oui, qu'a-t-elle de particulier pour l'époque ? Alors, outre le fait d'être tirée par ses roues avant, elle est aérodynamique, c'est nouveau à l'époque. Sa structure est faite d'un seul tenant, c'est une coque d'acier. Elle est équipée de freins hydrauliques. Elle est aussi plus rapide et consomme moins que ses concurrentes. Elle atteint les 100 km/h sans problème et bénéficie d'une tenue de route impeccable. Bref, en 1934, on peut dire que la traction apparaît comme une voiture extrêmement moderne. Et c'est pour ça qu'elle a marqué l'histoire. Oui, mais pas seulement. Elle est aussi la voiture la plus répandue pendant l'occupation, au point qu'on finisse par l'associer à la période. Elle est tour à tour le véhicule emblématique de la Gestapo, puis de la résistance en fin de période. Mais c'est aussi une voiture de gangster. Juste après la guerre, rappelez-vous le célèbre gang des tractions avant et de son chef charismatique, Pierrot le Fou. Alors vous allez me dire que ce n'est pas une très bonne image de marque. C'est à voir. Après tout, si les bandits l'utilisent, c'est qu'elle peut convenir aux situations d'urgence. Donc, une voiture rapide et fiable. Sa production va s'arrêter en 1957, après 760 000 exemplaires vendus. Il faut vous dire qu'entre-temps, la DS est arrivée sur le marché en 55 et qu'elle était nettement plus profilée et moderne. Elle va supplanter la traction sans aucun mal. Oui, sans aucun mal, en conservant quand même ce caractère innovant de la traction, en reprenant la traction avant, qui d'ailleurs deviendra un standard, un maître étalon, comme je le disais, pour toutes les voitures. Aujourd'hui, elles sont pratiquement toutes à traction avant et pas à propulsion. Et d'ailleurs, sur la traction avant, si on veut s'autoriser un peu plus de documentation, il y a un excellent auteur qui est Olivier Tser, qui connaît l'histoire de Citroën vraiment par cœur, et il a, outre des livres sur DS, aussi fait des bouquins et un très très beau livre, notamment sur la traction avant. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Nous suivrons Isabelle Eberhardt dans ses lointains voyages. Merci et à tout à l'heure.